Bonjour, bienvenue à l'émission Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Aujourd'hui, on reçoit trois étudiantes de première année qui viennent nous parler d'accompagnement. Ensuite, nous avons notre chronique internationale, la suite sur la France. Restez avec nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième émission. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est l'accompagnement. L'accompagnement à la naissance, au Québec, entre autres. Alors, nous avons avec nous trois invités, trois étudiantes de première année qui vont nous parler un peu de leur expérience. Qu'est-ce qu'être accompagnante et pourquoi être accompagnante, à quoi ça sert, où on en trouve aussi. On peut aussi, pour accompagnante, prendre le mot doula. En fait, doula, ça a été un mot qui a été pris par une anthropologue dans les années 1973 pour désigner les femmes qui aidaient, les femmes qui venaient aux accouchements des mères enceintes. Alors, on va commencer tout de suite à notre discussion. Alors, d'abord, Chantal, tu es franco-albertaine, tu as été accompagnante pendant 4 ans. Parle-nous un peu de pourquoi tu as été accompagnante. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce chemin-là? Merci, Mélina. Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis massothérapeute depuis 8 ans. Je faisais beaucoup de massages pour les femmes enceintes et les enfants, et j'adorais ça. Puis c'est ça, j'avais commencé à songer à la carrière de sage-femme depuis une dizaine d'années. Puis, dans le fond, j'ai devenu accompagnante afin de savoir si vraiment c'était ça que je voulais faire, que de poursuivre des études en pratique sage-femme. Donc, c'est pour ça que j'ai devenu accompagnante. Merci. Lynn, tu as été pendant 12 ans accompagnante, je crois, une maître de l'accompagnement. Tu as fait plus de 70 suivis. Tu as été aussi présidente l'année passée du réseau québécois des accompagnantes. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ce qui t'a amené au départ à aller vers l'accompagnement? Oui, bien sûr. Merci, Mélina. Moi, je suis commencée, dans le fond, par un hasard. C'est des belles-sœurs, cousines, amies qui me demandaient de venir avec elles à leur accouchement. Et ça a commencé tout bonnement comme ça. Et suite à ça, j'ai suivi toutes les formations qui touchaient à la périnatalité. Tout ce qui touchait ça m'intéressait, dans le fond, puis je voulais en savoir plus. Puis qu'est-ce qui m'a poussée vraiment à suivre les formations, à devenir une accompagnante, j'aime pas dire le mot professionnel, là, mais c'est à peu près ça, c'était mon travail. C'était pour vraiment mieux informer les mamans. Parce que je me suis rendu compte moi-même, parce que j'ai eu plusieurs enfants, qu'à mes premières grossesses, là, j'étais vraiment pas informée. Mes accouchements s'en sont toujours bien passés, mais en même temps, j'avais pas l'opportunité de dire non ou de choisir des alternatives différentes parce que j'en avais vraiment aucune idée. Donc, je trouvais ça super important que les parents puissent faire leur choix à eux, puis qu'il y ait un soutien puis un appui humain. C'est ça qui a fait de moi une accompagnante. Merci. Puis on veut souligner que tu es l'heureuse mère de 6 enfants, je me trompe? Non, c'est ça. Alors, accompagnante et à la fois elle-même a vécu cette belle expérience. Annick, tu as été accompagnante pendant 1 an, seulement 2 suivis, mais je crois qu'ils ont été très marquants. Peux-tu nous parler de ce qui a fait naître l'idée chez toi de faire cette formation? Bonjour, Mélina. Bonjour. Moi, ce qui m'a incité à faire ça, c'est que j'ai accompagné une amie à la naissance de son premier enfant. Elle était suivie avec une sage-femme. Et puis, j'ai personnellement trouvé que j'aurais pu mieux l'accompagner. Et puis, ça m'a aussi ouvert sur l'idée de vouloir devenir sage-femme un jour. Je me suis renseignée et on m'a conseillé de suivre la formation d'accompagnement à la naissance pour m'ouvrir justement à ça. Donc, j'ai passé par la formation et j'en ai profité pleinement et c'est ça, aujourd'hui, je suis ici. Mais merci. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur qu'est-ce qui vous a amené à être accompagnante, maintenant on peut parler de l'idée d'être sage-femme. Plus précisément, maintenant que votre formation, en fait, qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir fait cette formation d'accompagnante dans votre profession en tant que sage-femme? Moi, je pourrais dire, Céline, je pourrais dire que qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Dans le fond, c'est un contact humain directement avec les couples que j'ai pu vivre, qui m'a vraiment donné des outils sur, dans le fond, l'écoute, les besoins des femmes et des couples. Je pense que pour moi, ça va être un plus, mais en même temps, je sais que j'ai encore plein d'autres choses à apprendre, un côté scientifique que j'ai moins, là. Et puis, moi, dans le fond, c'était... Moi, j'ai pas eu d'enfant à date, là. Et puis, ça m'a permis de travailler dans un centre hospitalier et puis voir ce côté-là, cette perspective-là d'un accouchement. Donc, en faisant ça, ça m'a permis de voir vraiment c'était quoi mes croyances, ma perspective par rapport à l'accouchement et que le fait que c'était un processus naturel... Donc, c'est ça. C'était pour moi, c'est ça que j'ai appris. Merci, Chantal. Moi aussi, ce que je pense, c'est que, en fait, l'accompagnement, ça nous permet, entre autres, de guérir s'il y a lieu, là, de vivre notre passé, d'en parler, de le guérir, d'approfondir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça aurait pu se passer différemment. On parle de notre vécu à nous. Et puis, c'est comme si on ferme pas la boucle, mais au moins, on a pu, on va pas le revivre en accompagnant les autres femmes après. Est-ce que Annick, par exemple, ou d'autres aussi peuvent répondre, tu penses que ceux qui arrivent sans avoir suivi cette formation d'accompagnante, qui arrivent au bac en pratique sage-femme, vont pouvoir, justement, facilement, elles-mêmes, aller, comme on disait, guérir les aspects qui seraient pour eux ou leur? Ben, je pense que, dans le fond, on arrive chacune avec notre bagage, avec notre passé, et puis peu importe si t'as passé par la formation d'accompagnante ou pas, justement, c'est ça, t'arrives avec ton bagage, puis on finit par tout être sur le même niveau, là. OK. Pour en savoir plus un peu sur cette formation-là, au Québec, quelle est la formation pour être accompagnante? Il y a une formation de base qui se donne dans plusieurs endroits. Il y en a dans vraiment plusieurs régions, là, mais dans le fond, ça consiste à environ entre 40 et 60 heures de formation qui sont réparties souvent sur... deux, trois fins de semaine ou plusieurs, dans le fond, journées consécutives, là. Mais il y a vraiment des intensifs qui nous permettent de vivre nos relations, un peu comme Annick disait, dans le fond, d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous aussi, puis de l'exprimer, de vraiment valider nos perspectives, dans le fond, de tout ça, là. OK. En Alberta aussi, mais est-ce que Chantal, comment on peut devenir accompagnante dans cette province? Ben justement, l'idée des intensifs, c'est la même chose. Dans le fond, les femmes qui suivent la programmation d'accompagnante, c'est surtout des femmes qui sont des mamans de famille ou ils ont des emplois ailleurs, ils ont déjà une carrière établie. Donc c'est ça, on est toutes des femmes très occupées, mais ça nous permet de suivre la formation intensive et puis par après, là, tu vas chercher tes heures en faisant des heures de bénévolat et puis, tu sais, à mettre en pratique les techniques qu'on a apprises avec des clientes et des clients. Et puis, c'est ça, en Alberta, c'est moins, on peut dire, moins avancé qu'ici. Les formations s'offrent surtout dans les villes. Et puis, dans certains villages qui sont plus gros, ou des petites villes, on pourrait dire, là, mais il y en a moins. Il y a moins de doulas ou accompagnantes qu'ici. Y a-t-il une université ou une institution qui donne la formation de sage-femme en Alberta? Non, ça n'existe pas. Le programme n'existe pas du tout en Alberta. Justement, enfin, à partir de janvier 2007, un service de sage-femme va être couvert par le gouvernement provincial. Donc, c'est tout nouveau là-bas, là. c'était pas illégal d'avoir une sage-femme, mais il fallait que tu payes de ta poche. Donc là, non, c'est plus privé maintenant, ça va être gouvernement à partir du mois de janvier. OK. Est-ce que tous les accompagnantes québécoises font partie du réseau québécois d'accompagnantes à la naissance? Pas du tout. Le réseau compte présentement une vingtaine de membres. Ça varie à chaque année. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y en a d'autres qui repartent, changent de profession ou autre, là, mais non, c'est pas tout le monde qui fait partie du réseau. Le réseau, dans le fond, a l'avantage de beaucoup nous réunir, pouvoir échanger sur nos questionnements, sur les formations, les forces que les autres ont. Dans le fond, de donner aussi aux parents la chance de vraiment s'assurer que la personne qui va les accompagner, c'est des personnes qui sont dûment formées, qui vont pas, dans le fond, s'intituler ou s'improviser accompagnante. Elle pourrait tout à fait être adéquate, même si elle n'a pas de formation. Mais et ça va leur assurer, dans le fond, que les services qu'elle offre, ben elle les a pas improvisés, dans le fond, puis c'est vraiment de la matière juste, là. En fait, comment peut-on faire partie du réseau? Est-ce que c'est par Internet? Est-ce qu'on doit se déplacer? Oui, c'est tous des échanges Internet ou par téléphone, qu'on fait entre nous. On a un réseau Yahoo, dans le fond, qui nous permet d'échanger. Puis le réseau, dans le fond, pour pouvoir être accompagnante, la façon de faire, c'est d'aller sur le site Internet. C'est www.naissance.ca. qui va vous permettre, il y a un onglet où il y a marqué devenir accompagnante, et toute l'information nécessaire est inscrite là sur cet onglet-là, dans le fond, qui nous permet de vraiment savoir la démarche et qu'est-ce que ça nous prend. OK. Puis encore quelques informations pratiques pour ceux qui voudraient en savoir plus. Quels sont les coûts reliés au service d'une accompagnante? Ben, je sais qu'au réseau, c'est très variable, là, des régions. C'est très variable d'une accompagnante à l'autre parce que c'est comme une travailleuse autonome, c'est elle qui détermine ses coûts. Et puis, ça dépend aussi de sa formation, mais de son expérience et de toutes les formations qu'elle a fait aussi, c'est vrai. Fait que c'est variable, là, mais un suivi complet, ça ressemble souvent à trois à cinq rencontres avant l'accouchement. Le suivi tout le long de l'accouchement, si c'est ce que les parents désirent, parce qu'ils ont toujours le choix de choisir ce qu'ils veulent ou non. Et souvent, une ou deux rencontres après l'accouchement. On est là comme soutien en postnatal, bien sûr. Puis, en tout cas, au réseau, les tarifs variaient entre 400 et... en région de Montréal, ça pouvait aller jusqu'à 1000 $. Mm-hmm. Yannick? Mais il y a aussi dans les maisons de la famille ou des familles qu'il y a partout dans le Québec, il y a dans certaines maisons des familles des accompagnantes à la naissance. Et puis dans certains cas, le service d'accompagnement à la naissance est presque gratuit, là, gratuit ou presque même. Moi, où je travaillais, ça coûtait un maximum de 35 $. Donc, ça dépend, là. Donc, ça peut offrir un réel soutien aux familles qui veulent en connaître plus sur l'accompagnement, sur le processus de la grossesse, puis être assurées aussi dans cette démarche. C'est ça, il y a beaucoup d'organismes communautaires aussi, là, qui offrent ces services-là, dans le fond, où les parents ont peu de coûts à défrayer, puis il y en a dans à peu près toutes les régions, là. On peut aller le voir sur Internet aussi. Et justement, je ne sais pas si ça fonctionne de la même façon ici, mais comme j'ai dit, une fois que tu as fait ta formation intensive, là, tu as besoin d'aller chercher tes heures. Et puis moi, quand j'allais chercher mes heures, je ne chargeais rien pour mon temps. Donc, tu sais, vous pouvez toujours aller voir sur les sites web aussi, puis voir s'il y en a qui sont en train d'essayer d'avoir leurs heures de formation. Intéressant. On va parler maintenant un peu de... En fait... les bénéfices d'avoir une accompagnante, est-ce que l'accompagnante est plus utile à l'hôpital? Est-elle plus utile avec un suivi sage-femme? Dans d'autres cas, par exemple, à quel moment une accompagnante, en quelle occasion une accompagnante est particulièrement utile? Ben moi, je pense que c'est vraiment à l'hôpital où c'est le plus utile. Parce que, justement, des fois, à l'hôpital, tu peux faire ton plan de naissance avant d'arriver à l'hôpital pour que le personnel hospitalier sache ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et puis l'accompagnante, elle, c'est un peu à ça qu'elle sert à l'hôpital, à te rappeler les décisions que tu avais prises avant d'accoucher. Par exemple, sur la péridurale, te rappeler que tu la voulais pas, la péridurale. Elle va pas te forcer non plus, c'est sûr. Tu sais, elle respecte les choix du couple, mais elle sert aussi de bulle protectrice du couple. Dans le fond, d'être aussi en relation avec le personnel hospitalier, oui. De faire le lien avec le parent. Par exemple, si une mère est en travail, moins concentrée sur ce qui se passe autour, mais vraiment le travail, j'imagine que l'accompagnante va être présente pour ça. L'aspect que j'ai trouvé qui était le mieux là, pour les couples avec qui je travaillais dans l'hôpital, justement, c'était d'avoir un suivi constant. Parce que dans les centres hospitaliers, on le sait tous qu'ils ont, tu sais, ils ont des shifts. Donc, ils arrivent, tu sais, une fois que, disons, à 7 heures, j'ai fini, je m'en vais. Sauf que c'est cette infirmière-là qui a travaillé avec eux depuis qu'ils arrivent à l'hôpital. Puis tout d'un coup, c'est fini, à part, puis... Donc, c'est ça, comme doula ou accompagnante, on est là du moment qu'ils nous ont besoin jusqu'à après le bébé est né, puis qu'ils sont établis, puis qu'ils se sentent à l'aise avec leur nouveau-né. Dans vos expériences, on parle beaucoup des belles expériences de naissance, ça s'est bien passé, ou est-ce que, en fait, ça a été merveilleux avec les parents et tout, mais est-ce que des fois, vous êtes senti moins à votre place? Tout à fait. Il y a des occasions où on se demande vraiment pourquoi on est là. Un exemple, entre autres, où une femme m'appelle, c'est un deuxième suivi que je faisais avec elle. Au premier, je me suis sentie tout à fait à ma place, mais la deuxième fois, elle m'a téléphoné me disant qu'elle s'en allait à l'hôpital puis elle voulait que je vienne la rejoindre là-bas. C'est ce que j'ai fait. Et une fois rendue là-bas, dans le fond, elle avait déjà demandé la péridurale. En passant, une accompagnante n'est pas du tout contre les interventions, n'est pas contre le fait qu'une femme demande une péridurale. Mais dans le fond, une fois qu'elle l'a reçue, la fonction de l'accompagnante est beaucoup moins importante parce que on attend, dans le fond, patiemment que la dilatation soit complète. Oui, j'y ai donné un soutien lors de la poussée et après, mais dans ce moment-là où... Dans le fond, j'étais arrivée puis que c'était déjà en train de s'accomplir, ben j'avais un peu l'impression que j'ai pas pu lui permettre dans le fond d'essayer quelques autres techniques de pousser la réflexion sur le choix de l'intervention. C'est ça, ou dans le fond de dire ben non, est-ce que tu as envie d'aller dans le bain entre autres, veux-tu qu'on essaye ça puis tu vas voir comment ça va se passer, de refaire un peu notre bulle ensemble parce qu'on établit des liens, des contacts de confiance aussi. Puis on a comme pas, j'ai pas eu l'opportunité dans le fond de pouvoir vérifier ça avec elle. Puis je trouvais que je me demandais vraiment, ben dans le fond, oui, elle avait besoin de soutien sûrement après et pendant là, mais je me suis sentie moins utile. On voudrait savoir aussi, selon vos expériences, est-ce que des moments, en fait, est-ce que le personnel hospitalier, par exemple, était d'accord avec votre présence, était enthousiaste à votre présence? Ça dépend vraiment de chaque individu qui travaille à l'hôpital. Moi, je pense, dans un même accouchement, j'ai rencontré une infirmière qui en revenait pas à quel point c'était un beau travail ce que je faisais. Et puis, elle nous remerciait, puis en même temps, elle nous disait que... ça lui permettait d'aller voir les autres femmes qui avaient moins de soutien. Et puis, quand le chiffre a changé, ça a été une autre paire de manches. Une autre infirmière plus imposante qui m'a tassée complètement. Donc, ben mettons, pour la pousser, là, j'ai rien vu, là. Et puis, tu sais, ma place est pas là. Je suis pas là pour me battre et pour dire que... Tu sais, t'es qui pour dire que j'ai pas le droit d'être auprès d'elle, là? C'est son travail, donc tu sais, j'ai laissé faire ça, mais ça dépend vraiment des individus là. Mm-hmm. Chantal, tu voudrais rajouter? Oui, ben dans le fond, moi j'ai eu le privilège de travailler dans une toute petite communauté et toujours travailler dans le même centre hospitalier. Donc pour moi, j'ai cru que c'était vraiment un avantage. Au début, je me faisais comme un peu pousser de côté. J'avais eu le titre de amie qui accompagnait, tu sais, ils me voyaient pas en tant que professionnelle au début parce qu'ils savaient vraiment pas c'était quoi mon rôle jusqu'à temps que certains membres du personnel ont pu me voir, tu sais, par de plusieurs façon reprises, oui. C'est ça. Puis là, tout d'un coup, j'ai eu le titre d'accompagnante professionnelle de doula. J'étais connue dans le centre et puis ça allait vraiment bien. J'avais pu établir des très bons liens. Mais ça l'a quand même pris, je vais dire, au moins un an à un an et demi. Peux-tu nous rappeler où tu travaillais, quelle était la ville en Alberta? Ça s'appelle Plamondon, Plamondonville. Ça a été nommé après mon arrière-grand-père, Joseph Plamondon, qui venait du Québec. Moi, j'aurais à rajouter aussi, j'ai travaillé dans plusieurs centres hospitaliers. Comme Annick disait, oui, ça dépend beaucoup des personnes qui sont là. Moi, j'ai jamais vraiment eu de problème, dans le fond, avec aucun professionnel de la santé. On est là pour la maman. Il y en a des fois qui sont plus irritants et qu'on trouve, dans le fond, qui sont pas là beaucoup pour supporter les mamans puis les aider. Mais en même temps, on n'est vraiment pas là pour créer un climat de tension. Parce qu'on veut, que les parents vivent quelque chose d'heureux autour de la naissance, fait que c'est pas avantageux de créer de la tension. Merci pour tous ces témoignages. On va maintenant aller en musique quelques minutes et on va revenir avec cette discussion. Alors, on y va avec le groupe Automélodie, une de leurs cinq chansons Buanderie Jazz. Alors, ça peut être étonnant, mais ce sont trois gars. Qui parle autour de la thématique du lavage, des vrais hommes modernes. Alors, pour écouter un peu plus de leurs chansons ou voir de leurs photos, c'est www.automélodie.com. Alors, ce mois-ci, ils se produiront trois fois en spectacle à Montréal. Avis aux intéressés. This is the remix! Yeah. C'est le 89.1, la radio autrement. It did not be just too weird. Bonjour, on est de retour à l'émission Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme à Trois-Rivières. Alors, les filles, on continue sur notre discussion sur l'accompagnement, sur le côté pratique, mais le côté aussi très humain que ça l'apporte lors de la grossesse et l'accouchement. Alors, on va continuer. Je voudrais savoir, pour vous, une bonne accompagnante, quelles sont ses qualités personnelles, ses qualités, ses connaissances aussi? Parce qu'on sait qu'une accompagnante, une doula, c'est pas la même chose qu'une sage-femme. La sage-femme, c'est elle qui... La personne de référence au niveau médical aussi, qui va être là lors de l'accouchement, pour recevoir l'enfant, qui a certains droits, des interventions aussi qu'elle peut faire sur la mère et le bébé. Donc, quelles sont les qualités d'une accompagnante pour vous qui seraient extraordinaires? Ben moi, je pourrais dire que c'est l'écoute d'abord. Hein. Faut vraiment, dans le fond, écouter les besoins que le couple a. C'est sûr aussi qu'il faut avoir un grand intérêt et lire beaucoup sur le sujet et aller chercher une petite base de formation, exemple en allaitement ou dans le fond des petites techniques peuvent venir diminuer la douleur pour aider les femmes qui choisissent d'accoucher naturellement. Mais c'est sûr qu'il faut avoir un grand intérêt pour ça. Mais si quelqu'un a une grande amie en qui elle a beaucoup confiance et qu'elle se sent bien, mais même si elle n'a pas nécessairement de formation, elle pourrait toujours être adéquate. Dans le fond, c'est d'avoir un soutien constant puis d'avoir quelqu'un qui croit en nous beaucoup puis qui nous permet, dans le fond, de pousser un peu plus nos compétences, dans le fond, de femme. Dans le fond, on est toutes capables de mettre un enfant au monde, mais souvent, on a besoin. C'est un peu comme un coach hein, qui, quand on fait du sport, qui nous encourage à aller toujours un peu plus loin que qu'est-ce qu'on pensait être capable de faire, puis qui nous aide à un petit peu dépasser nos limites, mais toujours en respectant mm-hmm. aussi. Alors, maintenant que vous avez acquis ces qualités-là d'accompagnante, qu'est-ce que vous venez chercher au bac en pratique sage-femme? Qu'est-ce que vous venez rajouter à cette formation-là? Chantal? Ben, honnêtement, moi, à la fin, comme j'ai dit, j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis vers la fin, je me sentais comme il fallait vraiment que moi, personnellement, j'aille plus loin là-dedans parce que pouvais pas nécessairement offrir les services que je voulais vraiment offrir. Et puis, c'était comme pas assez comblant pour moi d'être l'accompagnante. Je voulais être, c'est vraiment au cœur de tout ça, et puis aider les femmes d'un autre, ou dans le fond, les familles d'une façon plus complète, je pense. C'est la fête. Bon, mm-hmm. En tout cas, c'est comme ça je vois ça, là. Annick, qu'est-ce que tu en penses? Ben, dans le fond, je pense que à quelque part, être sage-femme, c'est de vouloir aider les femmes à accoucher, à aider une certaine population des femmes, là. Oui, les grossesses. Oui. Ceux qui ont une grossesse normale. Puis celles qui le désirent, oui. À accoucher de la façon qu'elles désirent, qui est peut-être dans un cadre un peu plus libéral, dans une certaine mesure, là. Mm-hmm. Oui, Lynn? Ben moi, je rajouterais aussi que dans le fond, c'est pour permettre plus aux femmes, parce que dans l'accompagnement, comme Chantal disait, on est confronté souvent à nos valeurs où on le sent que les femmes, elles sont pas tout à fait bien. C'est pas ça qu'elles auraient choisi, mais on est obligé de s'y résilier puis d'y aller avec le médecin qui est présent parce que c'est lui qui a beaucoup d'impact sur ce que les choix de la femme, les possibilités des choix de la femme, dans le fond. Fait que moi, je voulais vraiment permettre plus aux couples puis un service complet aussi. Oui, j'ai une question pour vous. Dans la même idée de permettre plus aux femmes, est-ce que vous concevriez une sage-femme qui, pour permettre plus aux femmes, des aider encore plus, deviendrait obstétricienne? Est-ce que pour vous, ça ferait du sens, autant que d'être accompagnante et de devenir sage-femme? C'est une bonne question, là, ça vient un peu changer nos perceptions, peut-être? Est-ce qu'une sage-femme pourrait être obstétricienne et être vue vraiment comme quelqu'un qui veut pousser... Ça serait pas moi, mais je pense que, tu sais, c'est des choses qui peuvent se faire, là, étant donné que certaines personnes ont peut-être des besoins ou des désirs qui vont diverger des miens. Tu sais, il y a autant d'individus, il y a autant d'accouchements qu'il y a de bébés, donc il y a autant peut-être de choix d'accouchement qu'il y a de femmes, tu sais. Oui. Je pense que ça pourrait répondre à un besoin chez certaines personnes. Lynn? Moi, je rajouterais dans le fond que c'est sûr qu'il y a des obstétriciens qui sont merveilleux puis qui permettent eux autres aussi beaucoup aux femmes. Mais moi, je le serais pas pour la raison suivante que le contexte et l'ambiance de l'hôpital me permet vraiment pas, dans le fond, de donner un rapport humain puis de... Il y a tout un protocole et une façon de faire, dans le fond, et des exigences à l'hôpital qui me limiteraient, moi, dans ce que je voudrais offrir aux femmes. Dans le fond, qu'il n'y aurait qu'à la maison de naissance ou que votre philosophie de prendre plus le temps serait respectée. Est-ce que c'est bien ça que... Ben aussi, oui, mais en même temps, c'est parce qu'une obstétricienne est présente souvent juste au moment de la poussée, vient rendre 2-3 visites à la maman pendant le travail, mais moi, je veux vraiment offrir quelque chose de continu, dans le fond, où c'est pas juste, dans le fond, des actes médicaux que je veux poser. Intéressant. Quelques belles histoires aussi. Avez-vous des anecdotes, sans nommer les personnes, mais d'accouchements qui vous ont vraiment touché, qui vous ont soit ébranlé ou qui vous ont ouvert une nouvelle vision. Est-ce qu'il y a vraiment eu des moments de révélation au travers de vos accompagnements? Ben, il y en a plusieurs, en fait. Pour moi, chaque accouchement portait quelque chose de très spécial, j'apprenais toujours quelque chose, puis les liens qu'on forme avec cette famille-là, ces couples-là, ces enfants-là, ils restent pour toujours, peu importe, t'sais, si c'est vraiment des gens qui font partie de notre quotidien ou pas. Mais je dois dire que pour moi, celui qui a le plus d'impact, c'était le premier accouchement que j'ai assisté, parce que l'honneur reste toujours, mais la première fois que tu as vraiment l'honneur d'assister à un tel miracle, surtout si tu n'en as jamais eu toi-même, et puis c'est vraiment, tu sais, ça a tellement ouvert mes yeux, Et puis j'ai sorti de cet accouchement-là, j'avais pas dormi, ça faisait quoi, je sais pas, 20, au-dessus de 20 heures, puis tu sais, j'étais épuisée, mais je l'étais pas. J'étais tellement pleine d'énergie, puis de excitée, contente, joyeuse, j'ai assisté à un miracle. Wow! Lynn? C'est sûr qu'à chaque accouchement, c'est toujours un grand honneur que le couple nous donne, dans le fond, d'être là dans un moment aussi intime de leur vie. C'est vraiment quelque chose qui est riche, puis qui est gratifiant, puis c'est ça qui nous remplit, dans le fond, puis que le couple soit heureux, dans le fond, qui a tiré quelque chose de merveilleux de cette histoire-là. Mais une anecdote en particulier, je sais pas, ça me vient pas vite comme ça. Il y a pas de problème. Vous avez eu, lors de vos accompagnements, une grande proximité avec les mères, avec les pères. Ça vous a donné probablement une vue sur leurs besoins en tant que parents, en tant que personne, que femme, homme. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains besoins que vous avez vus chez ces gens-là? Bien, surtout quand ça se produit à l'hôpital, c'est nécessairement là, le besoin de soutien, là. Le besoin d'une présence constante en qui les gens ont confiance, là. C'est sûr et certain. C'est comme une référence affective, presque, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres besoins des parents que vous avez remarqués, puis que vous pensez qu'il y aurait place à améliorer ça dans le système de santé actuellement? L'information non biaisée. Dans le fond, je trouve qu'il y a vraiment un manque dans les ressources qui sont offertes, dans l'information, les possibilités, les choix, les options. On dirait, pis, t'sais, dans le fond, tous les systèmes sont bien, puis tout le monde choisit ce qui leur convient. Sauf que si on n'est pas au courant des choix, on ne peut pas faire un choix éclairé, on ne peut pas prendre des décisions qui nous conviennent si on ne sait pas qu'est-ce qui existe. Oui, Lynn. Souvent, les couples aussi veulent beaucoup être mieux informés, dans le fond, sur toutes les alternatives possibles, connaître mieux ce que c'est, les impacts de chaque intervention, qu'est-ce que ça implique pour la mère, pour le bébé, sur la douleur aussi vécue là, pendant les contractions, la poussée, dans le fond. Ils veulent être mieux informés sur tout ça, justement, pour faire des choix éclairés, puis vraiment choisir ce qui leur ressemble. On peut pas dire non à quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu sais, si le médecin nous propose une intervention parce qu'on est dans une situation plus difficile ou autre, là, on peut pas dire non à quelque chose qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas assez. Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y a beaucoup d'accompagnantes qui suivent les mères, les pères dans... un suivi sage-femme. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, ça m'est déjà arrivé deux fois. C'est très rare et sur les deux fois, il y en a une des fois où c'est souvent moi qui introduisais aux parents ce que c'était une sage-femme. Je disais ce que c'était une accompagnante, mais je leur expliquais aussi ce que c'était une sage-femme. Puis il y en a quelques-uns parfois qui choisissaient de se tourner vers ce voie-là et faire une demande pour avoir une sage-femme. Puis quand il y en avait une, il y en a certains qui soit me disaient « ben merci, mais je pense qu'avec notre sage-femme, on va être correct ». Puis la raison pourquoi ils choisissent seulement que la sage-femme, en majorité, c'est que, dans le fond, c'est la sage-femme qui fait l'accompagnement, puis le service est complet. Mais il y a certains couples qui ont besoin d'une présence encore plus grande. Puis ces deux couples-là, dans le fond, ils m'avaient demandé, puis le lien était déjà fort. Un que c'est un deuxième suivi, puis ils voulaient que je sois présente parce que je les avais beaucoup aidés la première fois. Puis ceux que c'était leur premier, dans le fond, ils se disaient, garde notre démarche, tu étais déjà avec toi, on souhaite que tu sois là. Et c'est sûr que ça me faisait un gros velours, là, mais j'étais bien honorée. Est-ce que vous avez déjà suivi des gens qui étaient très proches de vous, dans votre famille, très proches? Et si oui, est-ce que ça a été plus difficile, plus facile? Quelle était la différence? Moi, ça m'est arrivé. J'ai accompagné quelqu'un dans ma famille. Elle avait choisi un suivi à l'hôpital, mais en fait, je pense que le fait de se connaître, ben ça l'a renforcé nos liens dans le futur là pour après, mais j'ai pas l'impression que ça allait jouer sur la qualité de l'accompagnement que j'ai pu faire. Ça, il y a pas eu, il y avait pas de blocage ou de non-dit ou quoi que ce soit là. Et puis étant donné que je savais très bien ce qu'elle recherchait, ce qu'elle attendait, sa relation avec son conjoint, vu que je savais vraiment très bien tout ça, ben j'ai pu vraiment encore mieux l'accompagner que si je l'avais pas connu avant, je pense. Ben moi, je rajouterais, dans le fond, que même si on connaît très bien la personne, dans le fond, ça influence pas vraiment notre façon de faire. Ben peut-être de la vivre, par exemple, mais de façon de faire, non, parce que on est capable de faire la part des choses en ce que nous appartient puis ce qui appartient à la maman, au couple. Mais quand c'est quelqu'un de très proche, des fois, c'est sûr que ça vient nous chercher émotionnellement un peu plus parce que on est plus lié à cette personne-là, hein, fait que ça nous affecte peut-être un peu plus. Distance qu'on peut avoir sur des choix ou sur quand ça se passe vite, est-ce que ça le... Ben, dépendant de comment que ça se passe pendant l'accouchement, là, quand c'est plus, dans le fond... problématique ou, tu sais, dans le fond, ça se passe pas du tout comme on le souhaitait, mais on est peut-être un petit peu plus touché émotivement après, là, avec le recul, ben, ou sur le fait aussi, là, mais on essaie de faire la part des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous demander, est-ce que vous pensez que lorsque vous serez sage-femme, il y a des gens qui vont demander d'accompagner à l'hôpital encore? Est-ce que... Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont venir vous voir à la maison de naissance? Ou si, par exemple, il y a une personne dans votre entourage qui veut faire un suivi à l'hôpital, est-ce que vous allez être à l'aise d'aller avec lui à l'hôpital et de ne renoncer à l'aider à accoucher en maison de naissance, par exemple? Ben, je vais répondre à la première question qui demandait, dans le fond, si je pense que ça va arriver ou ça pourrait arriver que quelqu'un demande une accompagnante qui a la formation sage-femme, oui, je crois que ça pourrait arriver peut-être juste parce que il y a certaines personnes qui veulent vraiment la sécurité d'avoir un suivi constant, mais qui veulent aussi avoir un médecin ou qui veulent avoir le centre hospitalier ou peu importe. Est-ce que je vais être capable d'offrir ce service-là? Je ne sais pas. J'aime pas refuser un service à une femme qui désire un certain accouchement. Par contre, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'au fur et à mesure que je décide c'est quoi mes limites et puis qu'est-ce que moi je vais être capable d'offrir vraiment comme service. C'est sûr que ça va arriver qu'on va faire des soutiens à l'hôpital parce que la sage-femme offre les trois endroits, hein, domicile, à maison de naissance ou à l'hôpital. Ça dépend si tu veux nous demandes un soutien accompagnante ou un soutien sage-femme. C'était plus un soutien accompagnante parce qu'en fait, effectivement, la sage-femme offre les trois lieux, mais en ce moment au Québec, par exemple, il y a des hôpitaux qui n'accueillent pas, où il n'y a pas place encore pour les sages-femmes concrètement, même si c'est dans la loi, que c'est des ententes qui doivent se faire hôpital par hôpital ou avec les CLSC. Ben pour ma part, c'est sûr que si quelqu'un me demanderait que je serais vraiment proche, j'aurais de la difficulté à refuser ça. Mais en même temps, je pense que la sage-femme a déjà beaucoup de suivi à faire, puis d'introduire ça dans son horaire, ça peut être peut-être difficile parce qu'elle a déjà des clientes là qui... Effectivement, le côté pratique nous rattrape. Merci les filles d'avoir été là. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation de partager ça avec nous, des autres étudiantes, ceux qui nous écoutent. On va passer déjà avec la chronique internationale, la suite sur la France, et puis on revient avec quelques actualités. Chronique internationale. Alors aujourd'hui, on termine le petit reportage sur la France avec le témoignage d'une usagère. Mais tout d'abord, on va entendre Marie-Josée Keller, présidente de l'Ordre national français des sages-femmes, qui va nous dire si c'est possible actuellement de travailler en France avec un diplôme du Québec. Eh bien là, pour l'instant, non. Jusqu'à ce qu'il y ait, j'espère très prochainement, une équivalence de diplôme, une reconnaissance mutuelle de la valeur du diplôme, comme ça se passe déjà sur la... espace de la communauté européenne. Oui. Donc, quand cet avenant et puis cette entente sera signée par le président de la République, eh bien, le diplôme de sage-femme québécoise sera reconnu en France et le diplôme français sera reconnu à Québec. On remercie Mme Keller, puis on passe maintenant au point de vue d'une nouvelle maman parisienne. Je m'appelle Sandrine, j'ai 30 ans. Je suis tombée enceinte donc en décembre 2007, que j'ai accouché en septembre, début septembre, d'une petite fille qui s'appelle Oriane, à Paris, en France, à l'hôpital Necker. C'était ma première grossesse, donc voilà, j'avais un petit peu des doutes et des angoisses, mais ça s'est très bien passé. Je me suis inscrite à la maternité d'un hôpital public à Paris. Donc après, j'avais le choix entre un hôpital public ou une clinique privée, donc j'ai pris l'hôpital public. Et donc dans ce cas-là, c'est une sage-femme qui te suit, si c'est une grossesse normale, pas compliquée ou pas gemellaire. Et donc j'ai un suivi mensuel. Donc normalement, je suis suivie par une gynécologue classiquement, une fois par an. Et donc là, à Paris, ils t'envoient directement dans la maternité d'un hôpital. Et donc après, c'est la sage-femme qui te suit donc à partir du 3e mois jusqu'au 9e mois. Ça se fait normalement une fois par mois, sauf s'il y a un petit peu des complications. On a sur toute la grossesse, on a 3 échographies de programmées. Si nécessaire, on en fait des supplémentaires s'il y a des doutes à un moment donné sur sur la grossesse, sur le bébé en cas de problème. Et donc la façon dont ça se passe, donc j'ai rendez-vous une fois par mois avec ma sage-femme à la maternité. J'ai également un contrôle sanguin et urinaire à chaque fois. Donc sanguin parce que j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Et donc j'ai un petit entretien chaque mois avec la sage-femme qui dure à peu près 20 minutes s'il n'y a pas trop de soucis. Donc elle tout d'abord c'est un échange de questions-réponses, c'est une petite auscultation pour vérifier que tout va bien au niveau du bébé. Alors normalement c'est toujours la même, cependant donc des fois ça peut arriver qu'elle ne soit pas là, qu'elle soit malade ou qu'elle soit en urgence sur un accouchement. Donc c'est vrai qu'au début ça a un petit peu oscillé, j'en ai eu une pendant 2 fois, après il y a eu des remplaçants et sur la fin de ma grossesse c'était une autre qui m'a suivi les 3 derniers mois, c'était une autre mais qui était très sympa, donc ça s'est très bien passé au final. Je me suis rendue à l'hôpital. Donc la sage-femme qui m'a suivie, donc la plupart des sage-femmes qui font le suivi des grossesses, donc des futures mamans, travaillent donc la journée. Et c'est pas forcément elles qui sont de garde quand il y a des accouchements en salle d'accouchement. Je pense que c'est entre guillemets 2 types de sage-femmes. T'as celles qui font la journée le suivi des grossesses et puis t'as celles qui font les 3-8 aux urgences pour les accouchements. Donc c'était pas celle qui m'a suivie qui m'a accouchée. Donc ce qui était prévu, c'est que quand tu commences à avoir des contractions, que tu perds les os, tu te rends à la maternité, moyennant le travail qui commence, tu commences un peu le travail chez toi, et quand on te dit normalement que les contractions sont très rapprochées et douloureuses, tu peux te rendre à la maternité. Et donc ensuite, c'est le personnel qui est présent. Donc moi c'était le week-end, donc c'était un personnel de week-end là. Et voilà, et donc qui m'a pris en charge, qui m'a monitoré. Donc il y a peu de chances que ce soit celle qui t'a suivi pendant la grossesse, parce que ça peut se déclencher n'importe quand le travail, donc forcément elle qui va t'accoucher. Alors l'accouchement, donc moi ça a été un petit peu long, donc ma petite fille elle se présentait en siège, donc ils avaient pris des précautions, donc j'avais déjà fait une radio du bassin pour voir si je pouvais accoucher par voie basse, sachant qu'elle se présentait en siège. Et donc du coup c'était clair que je pouvais accoucher par voie naturelle. Et donc je me suis rendue à la maternité quand j'ai commencé à avoir des contractions rapprochées. Par contre le travail s'est pas déclenché de suite, il a fallu plus de 24 heures et voilà, ça a été assez long. Et par contre après quand le col a commencé à bien s'effacer, s'élargir, ça s'est très bien passé. Donc moi j'avais fait le choix d'avoir une péridurale, donc ils ont pu me la poser assez tôt puisque ça faisait un petit moment que j'étais à la maternité, donc il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont perfusé, ils m'ont mis la péridurale et donc l'accouchement lui-même, le travail plus l'expulsion, ça a dû durer je sais pas 7 ou 8 heures. Et l'équipe était vraiment super bien. Il y avait donc une sage-femme, il y avait des internes, le chef de service. C'est pas la sage-femme qui a fait le travail au final parce que c'était un peu compliqué, mais donc ça s'est très bien passé. J'étais vraiment ravie de l'équipe qui m'encadrait. Chronique internationale. Fille. finalement, avec les actualités, vous êtes de retour, en fait, à l'émission « Connaître ensemble ». Alors, rapidement, le groupe Amant sort un livre en librairie le 7 octobre. Ça s'appelle « Près du cœur ». C'est un recueil de témoignages et réflexions sur l'allaitement. Ils ont déjà sorti un livre qui s'appelle « Au cœur de la naissance ». Désolée, un petit blanc. Récemment, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a eu l'arrivée des sages-femmes formées à l'étranger qui commencent un micro-programme qui permet pour elles d'acquérir les connaissances liées aux spécificités du Québec. Alors, cette formation comprend minimalement deux trimestres, un premier théorique et l'autre, c'est un stage avec une préceptrice québécoise. On est très heureuse de les accueillir. On leur souhaite la bienvenue. Ensuite, en août dernier, la formation donnée dans la communauté aux sages-femmes inuites a été reconnue. Alors, deux d'entre elles ont reçu leur permis de pratique sans restriction, ont été assermentées le 24 septembre dernier lors de l'Assemblée générale de l'Ordre. Alors, on trouve que c'est une très belle initiative de l'Ordre des sages-femmes au Québec et c'est important de souligner que c'est la première fois dans le monde qu'une formation traditionnelle autochtone des sages-femmes est reconnue. Alors, nous sommes très fiers que ça se passe ici, chez nous. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, une émission avec d'autres étudiants de d'autres programmes sur leur regard sur la périnatalité et comment ils veulent aussi œuvrer dans le cadre de la naissance. Bonne semaine.